Nous descendons vers la rue sur cette discussion. Et cette fois, nous allons à pied. Il est 9 heures et toutes les maisons se ferment déjà. La vie nocturne n'existe qu'à Paris. À New York comme à Londres, toutes les façades sont éteintes depuis longtemps, lorsque minuit sonne. Seuls les saloons continuent à flamboyer au rez-de-chaussée des bâtisses, hautes ou petites. Sur les comptoirs sont préparés par vingtaines de ces ingrédients qu'un poète bachique, du temps de Louis XIII, définissait des éperons à boire d'autant. Ce sont des gâteaux salés et des poissons fumés, du jambon et des huîtres frites. Une machine à parier attend dans un coin, pareil au tourniquet qui décore les boutiques des marchands de vin à Paris. Avec cette différence, on ne joue sur celle-ci que des whiskies et des cocktails. Et la bille est remplacée par 5 cartes de poker. Un de ces ingénieux appareils, que l'Américain ne se lasse pas d'inventer, fait aller et venir ses cartes à chaque fois qu'une pièce en nickel tombe dans une fente ménagée ad hoc. Un foule se produit, ou une séquence, ou deux paires, ou un misty, ou quelque autre figure, et c'est de quoi procurer aux pauvres diables qui gagnent ou perdent de la sorte leur intoxication du soir, l'illusoire mirage d'une partie comme ils les aiment. Ils se tiennent debout, dans l'aveuglante clarté du gaz et de l'électricité, ivres dès cette heure-ci à ne pas pouvoir bouger, et presque tous, même dans cet immonde quartier, gardent sur eux cet à peu près de tenue, qui me donnait le premier jour l'idée d'une ville tout entière habillée au magasin de confection. J'en ai tant vu de ces Américains de toute classe voyager ainsi, dans cet à peu près de costume, une toute petite valise à la main en carton cuir, de quoi changer de manchette et de faux col. Au matin, ils passent chez le barbier, après avoir pris un bain dans le cabinet de toilette de leur chambre d'hôtel. Un nègre leur brosse leurs bottines, un autre leur chapeau et leurs habits. Une petite ligne de linge blanc au poignet, une autre ligne de linge blanc par-dessus le large plastron de cravate qui cache la chemise, et voilà un gentleman, de qui la propreté durera jusqu'au bar de minuit. Nous finissons par entrer dans un de ces bars. 8 à 12 messieurs de ce type y discutent, devant leur verre, où une cerise confite nage entre des rognures de citron. Ils attendent le retour de quelques-unes des prostituées dont Clark nous parlait l'autre jour, et qui sont à 2 pas en train de se vendre à des Chinois. Elles vont reparaître et régler sans doute les consommations de ces honorables personnages, lesquels joignent à leur métier de souteneur un goût passionné pour la boxe. Ils sont fort intéressés maintenant à comparer les chances du Californien Corbett et de l'Anglais Mitchell, qui doivent se mesurer à Jacksonville, en Floride. Sur les murs, une série de portraits. Des athlètes célèbres en tenue de combat révèlent les admirations du patron et son secret commerce. Il organise sans doute de ces rencontres clandestines, comme Davis en a justement décrit une dans son Gallagher, où les billets coûtent des 100 et des 200 dollars. Il est allemand lui-même, et avec ses prunelles finaudes, toutes bleuâtres dans sa large face blafarde, il regarde le détective, qui semble ne pas le connaître, mais que lui connaît très bien. Il y a dans ce coup d'œil de l'indifférence et de l'égalité. Avec les dessous des élections aux États-Unis, qui peut savoir si un simple teneur de saloon n'est pas un des grands racoleurs de voix du parti au pouvoir? Y a-t-il la conscience de cette force dans le calme de l'allemand? C'est bien possible, comme aussi dans l'attitude des infâmes clients de cet obscur patron qui fume de gros cigares d'un $0.50 pièce avec la sérénité des dieux de Lucrèce, et qui paraissent peu soucieux de la campagne de moralisation proclamée ces dernières semaines. Deux nouveaux visiteurs entrent dans l'assommoir, qui parlent allemand avec le marchand d'alcool. Décidément, New York est bien la vraie cosmopolis, non plus celle des oisifs et des dilettantes, mais un monstrueux creuset où tous les aventuriers et les besogneux du monde entier viennent se heurter, se mêler, se fondre, pour former un peuple nouveau. Mais lequel? Se fondre? Cette intime mixture de ces éléments si peu réductibles, qui sont les races, s'accomplit-elle réellement? Pour ce qui touche au jaune, en tout cas, il est permis de répondre hardiment que non. Quel étrange pouvoir garde ces gens de résister au milieu, de s'en abstraire, de s'y insuler, si l'on peut dire. J'ai eu une preuve nouvelle cette nuit-là, en quittant ce repère pour le théâtre chinois qui est à 2 pas. Sur la scène des acteurs, des hommes déguisés en femmes, tout fardés et tout parés, fardés de couleurs vives qui leur laquent le visage, parés d'étoffes de chape, brochées et brodées, roides et luisantes, jouent, ou plutôt miment, avec des gestes lents et rares, une scène d'une interminable pièce. Un instrument à cordes, monotone et aigre, accompagne cette fantomatique représentation d'un gémissement et d'un grincement. Que parlais-je de gestes? Pendant la demi-heure que nous avons passée là, les sept acteurs n'ont pas fait à eux tous 20 mouvements. Le décor, qui représente l'intérieur d'une pagode, avec une ouverture sur un jardin, évoque sans doute de quoi suffire à l'intérêt de ce public, où il ne se prononce pas une parole, où n'éclate ni un rire ni un applaudissement. 500 de ces hommes cuivrés sont assis, immobiles dans leurs costumes de travail, tous pareils les uns aux autres, avec leurs chapeaux ronds, la queue tressée de leurs cheveux noirs, leur ample blouse d'un bleu sombre, avec ces éternelles faces de serpent où se brident leurs longs yeux, luisants et inexpressifs. Pas un d'eux ne paraît remarquer notre présence, quoique nous ayons dû faire quelques bruits en nous engageant dans le couloir qui descend vers la scène, entre les gradins. On les sent étrangers, à des profondeurs qui ne se mesurent point, impénétrables et surtout inintelligibles. C'est dans le choix et la qualité du plaisir que ces différences totales et foncières se révèlent. Car notre amusement, c'est nous-mêmes, c'est notre indépendance et c'est notre goût, au lieu que notre travail ne fait, si souvent, que traduire l'esclavage du milieu. Ce théâtre et l'automatisme hypnotisant de son spectacle n'ont plus rien de commun avec la sorte de divertissement que nous allons chercher à la comédie. Et de même, l'ivresse brutale et mécanique de l'alcool, notre ivresse, n'a plus rien de commun avec l'empoisonnement intellectuel de l'opium, qui demeure le vice favori de ces gens. Il faut voir quelques-uns d'entre eux se livrer aux délices de cette terrible drogue, immédiatement au sortir du théâtre, pour comprendre combien cette folie des stupéfiants correspond, dans ses natures, à des instincts profonds, et sans doute indestructibles. Les deux impressions se complètent, avec une puissance singulière. Nous n'eûmes que 20 pas à faire, hors de la salle de spectacle, et tout de suite nous descendîmes dans une des chambres au sous-sol qui servent à ces maniaques de cave à rêve. À la lumière d'un bec de gaz à demi baissé, un maigre chinois est couché sur une natte, posée elle-même sur un lit de pierre, ensaillie le long du mur. De ses mains agiles, il fourrage dans un pot rempli d'une substance noirâtre. Avec une forte aiguille de cuivre, adroitement et sûrement, il roule une épaisse boulette qu'il fait chauffer à une flamme. Puis, avec la pointe de la même aiguille, sans se hâter, du même geste adroit et précis, il introduit la boulette en fusion dans la cheminée métallique de sa pipe. Il aspire quelques bouffées. La pipe est fumée, et il recommence son manège. Une torpeur de volupté nage dans ses prunelles. Encore 20 opérations pareilles, et il sera comme le gros homme dont la silhouette se dessine au fond de la cave et qui, bouffi, livide, immobile, s'abîme dans des visions qu'aucune forme humaine ne saurait lui ravir. Un souple et souriant personnage, le patron du local, court de ci de là, préparant des pipes et de l'opium pour d'autres habitués, qui attendent leur tour de s'abandonner à l'attrait de cette mystérieuse et meurtrière extase. La solitude et la taciturnité de ce plaisir rendent cette salle presque tragique. Aucun cri, aucune parole même. Il y a comme une solennité d'initiation dans l'attitude où s'abandonnent ces dévots des paradis artificiels. Et cette ivresse semble à la fois moins vile et plus criminelle, moins dégoûtante et plus inguérissable que celle du whisky ou de l'eau-de-vie. À coup sûr, elle est si autre qu'elle donne un frisson de cauchemar, et que nous quittons cet antre avec un soulagement. Les lanternes chinoises éclairent de leur lumière falote le bas de la rue, un tournant. Elles ont de nouveau cédé la place au gaz et l'opium à l'alcool. Les saloons, à présent, succèdent aux saloons. Un policeman gigantesque et complaisant, que le détective a racolé pour nous guider aux caves des fumeurs d'opium, nous arrête soudain, devant une haute maison qu'il nous montre d'un geste de fierté. « Well, nous dit-il avec la plus comique emphase, you may be globetrotters. Vous pouvez être des trotteurs du globe. Vous ne trouverez nulle place comparable au Bismarck de New York. Voulez-vous y entrer ? Nous acceptons. » Et il nous explique. Ô ironie de la gloire humaine. Que ce Bismarck est simplement un endroit où on loge à la nuit pour 12, pour 10 et pour 7 sous. Engagé à sa suite dans un couloir sombre, nous le voyons qui parlemente avec le concierge de ce dortoir de misère. Ce dernier, après quelques difficultés jouées, prélude d'un partage de pourboire trop intelligible pour qui a éprouvé le peu de conscience du sergent de ville américain, nous permet de gravir les marches d'un escalier mal éclairé, qu'emplit déjà une abominable puanteur. Une porte s'ouvre au premier étage. Nous parlementons de rechef et nous pénétrons dans une immense pièce, chauffée à ne pouvoir y respirer par un colossal poêle de fonte. Là, dans une buée à peine brisée par de rares lumières, se profile une double rangée de lits en caoutchouc, avec une véritable jonchée de corps, les uns à moitié nus, les autres dévêtus entièrement. Ces malheureux dorment tous de ce sommeil qui ressemble à la mort, et où la vie retrempe pourtant ses énergies profondes. On voit à la position de leurs membres qu'ils se sont non pas couchés, mais abattus, mais écroulés sous la fatigue, comme ils étaient. Des plantes de pied se dressent, noires de la fange des rues, racontant des errances indéfinies, à même le trottoir, à même le chemin. Les faces hâves de ceux qui achèvent de se déloquer, il faut créer des mots pour traduire l'innombrable dépouillement de ces innombrables haillons, nous suivent du regard, passivement, stupidement. Nous leur sommes déjà des apparitions de rêve, à travers la double vapeur de cette atmosphère épaisse et de leur envahissante lassitude. Ces dormeurs-là sont pourtant défavorisés. L'espèce de hamac où ils reposent doit leur être une singulière volupté, puisqu'ils dépensent à se payer cette douceur les 2 sous de surplus. 2 sous de pain, 2 sous de tabac, 2 sous de whisky. Les hôtes de l'étage au-dessus dorment, eux sur des planches. Ceux du 3e dorment sur le carreau. Il est bien dur dans sa promiscuité pestilentielle. Mais ce n'est pas la rue, ce n'est pas la nuit de janvier, si meurtrière à la pauvre chair épuisée. Voilà l'idée que je lis distinctement sur le visage, fin et fatigué, d'un vieillard à barbe verdâtre, qui ôte sa jaquette, assis par terre dans ce dernier des 3 dortoirs, véritable fantôme de la misère humaine, à ne jamais l'oublier, avec l'anatomie de son torse décharné ou des touffes de poils grisonnaient sur des côtes saillantes. En le regardant, je me souviens que ce soir même, j'étais invité à un bal dans un des palais de la 5e avenue. J'ai sacrifié cette fête à cette visite. La maison m'apparaît en pensée toute décorée de roses, qui valent 1 dollar la fleur, toute illuminée par les toilettes des femmes qui ont sur elles pour 25 000, pour 100 000, pour 200 000 francs de pierreries. Le champagne qui se verse au buffet coûte 25 francs la bouteille. Et les roses se fanent sans que personne ait seulement pris le loisir de respirer la douceur de leur arôme. Et aucun de ces diamants ou de ces rubis n'enlève une pensée triste à celle qui les porte. Et à peine ces jolies lèvres se mouillent-elles à toucher le bord des coupes où pétille le monotone breuvage. Ces contrastes entre l'affreuse réalité de certaines détresses et l'inutile insanité de certains luxes expliquent mieux que les plus éloquentes théories pourquoi la rage de les détruire simplement une pareille société s'empare, à de certaines heures, de certaines têtes. Le policeman concussionnaire, qui aurait pu être chargé de garder ce bal comme il est chargé de garder les bouges de la Bowery, est aussi orgueilleux de cet excès de misère auquel il nous initie, que son collègue de la 5e avenue doit être orgueilleux du faste de la fête. Il répète jovialement sa phrase de tout à l'heure. « Eh bien, avez-vous rencontré de par le monde un endroit comme le Bismarck ?» Et sur le seuil, respirant la libre nuit de toute la largeur de ses robustes poumons, il ajoute « Messieurs, vous comprendrez maintenant ce que cela vaut, une bouffée d'air frais. » Décidément, cet humoriste tient à gagner l'argent de son pourboire, car nous voyons remuer par le spectacle de la sinistre auberge, il nous invite à chasser ses visions de tristesse par une descente dans un nouveau sous-sol chez un Italien, où il y a toujours, nous dit-il, quelques jolifications. Mots intraduisibles comme le joli dont il dérive, et qui signifie la gaieté plaisante, la farce bon enfant, une certaine grâce brutale et de la santé. Je lui demande à ce propos dans quelle nationalité se recrutent surtout les habitants du Bismarck. D'après lui, les Allemands et les Irlandais dominent. Les Américains, proprement dit, y sont plus rares. C'est à croire d'ailleurs, quand on fouille ainsi les bas quartiers, qu'il n'y en a pas à New York, ou qu'ils sont tous riches. Tant nous avons rencontré d'étrangers l'autre jour et cette nuit-ci, et nous trouvons de nouveau des étrangers dans la trattoria nocturne où notre guide nous introduit. Mais la jolification annoncée se borne à un dialogue, avec un patron visiblement embarrassé et furieux dans sa politesse contrainte. Tandis que les 3 compatriotes avec lesquels il causait affectent de fumer leurs longs cigares à paille et de vider leur fiac chaud de Chianti, sans nous regarder, le gros homme blafard aux yeux de procureur nous assure d'un ton qui pue les galères que nous pouvons tout voir dans sa maison, qu'il n'y a rien à cacher. Il répète « rien à cacher ». Quelle besogne de conspiration, de contrebande ou de prostitution avons-nous dérangé par notre entrée? Le policeman, lui, doit le savoir, car il nous tire hors de cette caverne avec le même empressement qu'il avait mis à nous y pousser. Il prétend être au terme de son coin de surveillance. Nous le quittons pour achever cette nuit de basse enquête à travers une série de bals publics et de cafés-concerts. Trois de ces rendez-vous de crapules reparaissent au regard de ma mémoire au moment où j'écris ces lignes, tous trois également tragiques et significatifs. Le premier est une espèce de bouge avec des tables fixes et un orchestre sur une estrade. Des commis et des militaires s'y pressent, et surtout des marins, toute la basse racaille du port. Des filles vont de groupe en groupe, recrues de fatigue, à la fois ivres et affamées. Trois d'entre elles s'assoient à notre table, et toutes trois demandent du punch au lait pour se soutenir. Elles le boivent avec une avidité qui fait mal à regarder. Une d'elles avise la doublure du paletot de soie d'un de nous, elle l'étudie curieusement. Puis elle s'y caresse le revers de la main, et ce rire de luxe lui donne une petite joie physique qui la fait sourire. Le second est un cabaret plus décent, avec une arrière-salle où des employés font danser des filles au son d'une musique un peu meilleure. Une d'elles et sa sœur sont évidemment des débutantes. Elles ont 18 et 19 ans. Elles sont jolies, douces et fines, dans de pauvres robes noires bordées de rouge. La prostitution n'a encore rien flétri chez elles du charme qui en eût fait des fiancées innocentes, de bonnes femmes plus tard, si le dessin eût été autre. En pays anglo-saxon, il n'y a jamais d'intermédiaire entre cette girl délicate qui s'est vendue ou que l'on a vendue sans vice, sans séduction, sans remords, comme on l'eût placée dans une maison de commerce. Et la créature dégradée, au nez rouge, aux joues couperosées, aux yeux pleurards, à la voix rauque, dont les matelots veulent à peine. L'explication de cette métamorphose, aussi rapide qu'effrayante, est dans l'alcool. Ces deux frêles enfants à visage d'ange boivent déjà du whisky, à plein verre. Quant au troisième de ces tristes tableaux de faubourg, c'est celui d'un autre bal, tout pareil dans son décor extérieur, seulement de jeunes hommes dansent là au lieu des filles, des êtres ambigus avec du fard aux joues, du noir aux paupières, du rouge à la bouche. Sur le devant et pour séparer de la rue ce peu équivoque endroit, un saloon encore tient ses assises. Comme il n'y a qu'une porte à pousser pour entrer dans le bal, il faut croire que le patron, debout derrière le bar, et qui sourit aux clients avec un visage eczémateux, est lui aussi un utile outil d'élection. Les grandes villes et les grandes démocraties ont de ces sentines dans leurs coulisses.